le 6-9 de l'été sur France Inter. Magic Elvis, Elvis Presley, 40 ans après sa disparition, au mois d'août 1977, tous les jours on revient sur sa carrière avec Philippe Robin. Aujourd'hui, des images plutôt tristes. En visitant les différentes boutiques de Graceland, je remarque que l'on met volontiers en évidence les photos d'un Elvis magnifique, jeune et sexy des années 50-60, et que l'on n'affiche pas trop les images du King alourdi et détraqué par les trop fortes doses de médicaments telles qu'il l'était à la fin de sa vie. C'est vrai que les apparitions d'Elvis en 1977 font partie des images qui ont frappé les esprits. Alors que l'on avait connu celui que certaines filles considéraient comme le plus bel homme du monde, les écrans de télévision nous rendaient une image difficile à supporter. Jacques Delesser, auteur du livre « Elvis, mon ami ». Son dernier concert, où il est vraiment bouffi et tout, il essaye d'atteindre une note, il ruisselle de sueur, il a toujours son très beau sourire, mais c'est dramatique de voir ça, c'était vraiment une déchéance complète. Moi je dis que c'est une fin tragique. Alors comme d'autres fans que je croise à Memphis, je me demande s'il n'y avait pas un moyen d'aider Elvis à cette époque. Cette mafia de Memphis, sa fiancée du moment, le colonel Parker, ces gens autour de lui ne pouvaient-ils pas taper du poing sur la table et lui dire d'arrêter de prendre toutes ces pilules qui le détruisaient ? Je décide de poser la question à celui qui était le chef de l'entourage d'Elvis, Joe Esposito. We all sat down with him. On a essayé d'en parler avec lui autour d'une table ou après un concert. On lui disait, Elvis, il faut que tu arrêtes ces médicaments, tu n'es plus toi-même, tu n'es pas bon sur scène. Parfois, il était d'accord. Il disait qu'il allait faire quelque chose. Et puis d'autres fois, il disait, tu vois où est cette porte ? Si ça ne te plaît pas, va-t'en. Et je ne voulais pas le laisser. Une fois, on est allé à Hawaï et on a joué au football sur la plage. On s'est bien amusé. Il ne prenait rien du tout. Et puis on est rentré et dès que quelque chose l'a ennuyé, comme le fait un alcoolique, il a replongé. Il a repris des médicaments. On espérait qu'un jour il allait se réveiller et se dire « Qu'est-ce que je suis en train de me faire ?» et qu'il allait tout balancer, mais ce n'est jamais arrivé. On pensait quand même pas qu'il allait mourir, pas à cet âge. Personne n'avait donc pu empêcher la déchéance de Presley. Même pas Elvis lui-même, malgré le caractère si déterminé qu'on lui avait connu des années auparavant. Son dernier succès avant sa disparition fut une chanson enregistrée en octobre 76 dans l'une des pièces de sa maison, la fameuse Jungle Room, et la chanson s'appelle « Way Down ». The lights are going dim. The sound of your breathing has made the mood I'm in. All of my resistance lying on the floor, taking me to places I've never been before. Ooh, and I can feel it. Something but I just can't describe. When I can feel it, feel it, feel it, feel it, way down with the music play, way down like a tidal wave. S'il était proche de la fin de sa carrière, quelle classe quand même. Au bout du rouleau, Elvis Presley quand même formidable avec ce morceau Magic Elvis. Philippe Robin, notre série tous les jours, elle avait été réalisée, cette série en 2007 et on la rediffuse dans ce 6-9 de l'été en 2017. On approche de la date anniversaire de la disparition d'Elvis Presley.